If you had any problems with that new language, go back and review that last section. If not, continue now with the phone conversation. Entre Hélène et le réceptionniste de l'hôtel. Between Hélène and the hotel receptionist. The question is, does he have George's wallet? Écoutez. Allô? Hôtel des Vosges? Ah, bonjour, c'est Madame Andéol et je suis ici à la librairie Hervé avec Monsieur Wickham. Oui, bien, merci, nous avons deux livres. Oui, mais Monsieur Wickham... Comment? Vous avez son portefeuille? Ah, c'est bien, très bien. They have your wallet. Oh, thank heavens for that. Comment? Une télécopie de l'Angleterre? There is also a telecopy, un fax. Qu'est-ce que c'est en anglais? A fax. Ah oui. Merci, monsieur. Non, ce n'est pas nécessaire. Nous revenons tout de suite. À bientôt.